J'ai un rêve que tous les hommes soient frères, que les hommes enterrent leur hache de guerre. J'ai un rêve d'une vie sans frontières, que la vie sur terre n'ait plus de barrières. Et les songes d'une nuit d'hiver sont plus tenaces que le lierre. Oh, prochain millénaire, pour mes futurs congénères, d'une nouvelle ère. J'ai un rêve qui me tient en éveil, qui me tient sans sommeil, jusqu'au lever du soleil. Et les songes d'une nuit d'hiver sont plus tenaces que le lierre. Cet enfant qui espère tant et tant de merveilles. J'ai un rêve d'une nouvelle ère pour cette femme qui rêve à des millions d'autres rêves. Et les songes d'une nuit d'hiver sont plus tenaces que le lierre. Ces yeux qui appellent un brin de lumière, la fin du tunnel. J'ai un rêve que ce beau rêve devienne un rêve éternel, si libre et réel.